Chapitre 8e, Beach's Ride. 5 semaines se sont écoulées depuis l'arrivée du major et de sa femme, et le jour où ils devaient quitter Littlewood Park est arrivé. Ils allaient passer encore une semaine ou deux à Brighton avant de rentrer à Londres, où ils devaient séjourner jusqu'à l'expiration du congé du major. Ils devaient voyager dans leur voiture avec leurs chevaux et leurs cochers, et M. Salomon sur le siège de derrière. Le major et Mrs. Varney attendaient sur la terrasse en compagnie de leur hôte et de leur hôtesse, pendant que les mâles étaient chargés sur la voiture sous la direction de l'expert Salamons. « Arthur, dit le major, la grande route tourne au pied du coteau que vous appelez Beach's Ride, n'est-ce pas ?»« Au pied du coteau, oui, mais non pas au pied de Beach's Ride même, qui est à l'autre extrémité. »« Si vous et moi nous allions jusque-là pendant que Salamons charge les bagages, il en a encore pour longtemps. » Adam attendra sur la route. Je verrai arriver la voiture de la hauteur. J'ai quelques mots d'adieu à dire à ce cher Arthur. » Le major fit ses adieux à Mrs. Walsingham, jeta un grand plaid écossais sur ses épaules et indiqua à sa femme où elle le rejoindrait en voiture. À ce moment même, le jeune homme sortit au galop des écuries monté sur son poney pur sang. « Papa, puis-je sortir avec vous » demanda-t-il. Le capitaine Walsingham hésita et consulta des yeux son ami. « Certainement, Sir Rupert, dit le major, venez avec nous. » Le major s'arrêta à la loge du garde pour glisser un souverain dans la main de Gilbert Arnold. « Bonjour et adieu, mes amis, dit-il. Souvenez-vous de mes conseils et surveillez votre fils, si vous ne voulez pas être dans l'embarras de ces jours. »« Fort bien, monsieur, dit le garde avec un sourire rusé dans les yeux. » Une fois encore, la grande grille de fer se referma en grinçant sur le jeune maître de Littlewood Park. Tout enfant qu'il était, s'il avait pu songer un instant à ce qu'il attendait hors de cette grille splendide, assurément le bruit criard de la serrure aurait vibré à son oreille comme le glas funèbre de sa jeune et brillante existence. Ils mirent plus d'une heure à franchir la route tortueuse qui conduisait au coteau sur lequel le capitaine Walsingham avait rencontré Lady Lisle le soir de son arrivée en Angleterre. En atteignant le sommet, les deux hommes regardèrent autour d'eux. Le major se tourna vers Sir Rupert et fit signe des yeux au capitaine Walsingham. « Rupert, poussez un temps de galop jusqu'à la côte là-bas, j'ai à parler au major Barney. » L'enfant fit un signe d'acquiescement et faisant claquer son fouet, il s'éloigna au trot hors de la portée de la voix, mais non hors de la vue. « Qu'est-ce ? » demanda le capitaine en enfonçant sa canne dans le sol et en s'appuyant lourdement dessus. Il semblait préparé à une longue conversation. Le major ouvrit son ample par-dessus et commença à jouer avec les breloques d'or suspendues à sa chaîne de montre. Chacun des poils de ses moustaches et de ses favoris blonds, chacune de ses dents blanches carrées brillait sous le soleil d'automne. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Dit le capitaine avec impatience. Pourquoi m'avez-vous attiré ici ? Qu'avez-vous à me dire ce matin que vous n'ayez pu me dire hier soir ? Ne devinez-vous pas ? Demanda le major avec un sourire aimable. Non. C'est-à-dire que vous ne le voulez pas ? Dit Renard, vous craignez de prendre l'initiative, donc il faut que ce soit moi. Arthur, cher ami, il me faut encore de l'argent. Oh, vous revenez encore là-dessus. Alors je vous répète ce que je vous ai dit hier soir, je n'en ai plus. Il se passera quelque temps avant que je puisse m'en procurer d'autres. J'ai tourmenté assez ma pauvre femme comme cela. Je ne lui demanderai pas 1 liard de plus. Entêté que vous êtes. Le major plongea sa main dans la poche de son pardessus. En sortit un petit paquet de lettres très proprement pliées, couvertes d'une écriture féminine et délicate, et attachées ensemble par un ruban de soie bleue. « Voyez ces lettres. Elles ont l'air assez coquettes, n'est-ce pas ? Vous les lirai-je ? Ou ne vous souvenez-vous plus de ce qu'elles contiennent ?» Le capitaine détourna la tête en faisant entendre un blasphème étouffé. Le major Granville Varney, tenant d'une main le petit paquet, promenait lentement ses doigts sur les coins des différentes lettres. Il plongeait son regard dans les feuilles pliées en secouant la tête et fredonnait doucement, ou quelquefois s'arrêtait à quelques passages qui lui semblaient particulièrement amusants. Le capitaine l'examinait sournoisement avec un regard triste et sinistre. « Arthur, cher ami, si je n'ai pas 5 000 livres avant la fin de ce mois, Mrs. Walsingham recevra ce petit paquet de lettres le 1er octobre. Amusantes comme le sont ces lettres, je crains qu'elles devinent à peine l'étendue de leur folie. Il se peut qu'elle prenne la chose au sérieux. Vous l'aimez beaucoup, Arthur, vous l'aimez stupidement, car sur ma parole, sa bêtise est quelquefois fatigante. Mais il y a des gens qui aiment le poulet bouilli, Major Varnet. Mauvaise tête. Aurai-je mes 5 000 livres ou la dame aux blonds cheveux recevra-t-elle ses lettres? Décidez-vous vite, cher ami, car je crois que nous allons avoir une averse. Je vous dis qu'il m'est impossible de me procurer cet argent. Quant à l'envoi de ces lettres, cela ne m'effraie pas. Vous ne voudriez pas éventrer votre poule aux œufs d'or. Vous êtes plus habile que cela. L'infernal secret que vous tenez suspendu sur moi devient sans valeur. Le jour où il sera dévoilé, vous n'êtes pas homme à vous en dessaisir. Le major se mordit les lèvres et un certain air d'abattement couvrit son visage. À un moment, on eût dit qu'il allait se trahir, mais il se remit aussitôt et éclata d'un rire joyeux en disant « Arthur, vous êtes un fin renard. Il n'y a pas prise sur vous. Non, vous avez raison. Je ne tiens pas à divulguer ce secret. Je ne tiens pas à briser le cœur de cette pauvre Lady Lissel, ou Mrs. Walsingham, ou quel que soit son nom. Je ne tiens pas à vous voir mettre à la porte de Lisselwood Park, ou envoyer dans quelque déplaisante colonie, où l'on pourrait avoir l'impertinence de vous prier de garder de l'étoupe ou de casser des pierres. Non, cher Arthur, ce à quoi je tiens, c'est à tout arranger pour le mieux et pour le bonheur de tous. Me croirez-vous si je vous dis que je pense avoir trouvé le moyen de le faire? Peut-être. Bien. Alors Arthur, écoutez-moi. Je ne suis pas de ces pauvres diables pour lesquels l'argent comptant est une des conditions de l'existence. Voyez là-bas. Vous pouvez voir ma voiture de voyage et mes chevaux, mon cocher, mon valet de pied. Vous devinez bien que je ne fais pas tout cela avec ma paye de major au service de la compagnie. D'un autre côté, vous devinez parfaitement que je n'ai pas un besoin immédiat d'un billet de 10 livres. J'aimerais mieux avoir 50 000 livres dans 10 ans que 5 000 aujourd'hui. Arthur Walsingham, quel âge a cet enfant là-bas? En parlant, le major Varnet indiquait à Sir Rupert Lissel. « Quel rapport cela-t-il avec nos affaires ?» demanda le capitaine. « Peu importe, mais répondez à ma question, quel âge a-t-il »« Il a eu 7 ans, au mois de juillet dernier. »« 7 ans, très bien. »« Que diriez-vous, Arthur, si je déchirais ces ridicules lettres et cet autre petit document en 1000 morceaux, et si je ne vous demandais plus 1 liard avant 14 ans ?» Le capitaine promena sur lui un regard de surprise. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il avec impatience. Le major passa son bras sous celui de son ami et appuyant sa main libre sur l'épaule du capitaine, il lui dit à voix basse quelques mots qui firent pâlir le capitaine et qui firent s'entrechoquer ses genoux, comme s'il allait céder sous lui. Il y eut un moment de silence pendant lequel le major contempla le visage bouleversé du capitaine. « Voulez-vous le faire ? » dit-il à haute voix. « Ou voulez-vous que je le fasse ?»« Misérable ! » tonna le capitaine. « Non ! Quand je devrais par là éviter les galères. « Enfant, » dit le major Varnet, « ne vous emportez pas. « Non, pas même pour vous sauver des galères, » répéta-t-il avec dédain. « Mais il y a bien des hommes meilleurs que vous qui le feraient pour un billet de 20 livres. « Qu'est-ce que c'est? Un petit tour de main. « Messieurs et mesdames, vous voyez ce shilling. Vous voyez, je le mets sous ce gobelet. Toc, toc, il est parti. Toc, toc, le voici revenu. » Et l'escamoteur représente la pièce de monnaie à son auditoire étonné qui croit avoir affaire au plus habile des hommes. Tandis que la vérité, cher Arthur, c'est que ce n'est pas du tout le même shilling, mais un autre tout à fait semblable. Capitaine Walsingham, voulez-vous vous mettre en travers de notre fortune ou bien voulez-vous m'aider à faire ce tour de passe-passe? Non, vous dis-je, et si je le fais sans vous, je dénoncerai le crime, quel que soit le malheur qui m'attende. « Arthur, vous êtes incorrigible. Est-ce là votre dernier mot ?»« Oui. »« Très bien, alors, » dit le major en haussant les épaules. « S'il en est ainsi, il n'y a rien à faire. »« Souvenez-vous, » ajouta-t-il en frappant sur les papiers qu'il tenait à la main, « que vous ne devez attendre de moi aucune pitié. »« Quand les hommes ferment les yeux à leur propre intérêt, ils ne doivent pas s'attendre à ce que des gens plus sages souffrent de leur aveuglement et de leur folie. »« Appelez votre beau-fils. Je vais lui dire adieu, puis je regagnerai ma voiture. » La pauvre Ada doit être fatiguée d'attendre. Le capitaine appela Sir Rupert, qui arriva au galop à l'endroit où se trouvaient les deux officiers. « Sir Rupert, » dit le major, « je vais vous dire adieu. Je vais tourner le dos à Beecher's Ride. À propos, cela me rappelle que j'ai beaucoup entendu parler de Beecher's Ride par les gens du pays, mais je n'ai jamais su à quoi ce coteau devait son nom. Apprenez-le-moi, Arthur. » « Allons !» dit le capitaine avec impatience. « Que voulez-vous savoir sur Beecher's Ride ?»« Ne soyez pas impoli, mon cher Arthur, contez-moi cela. » Ils étaient debout sur le bord escarpé du premier du plus haut talus de toute une longue rangée de mamelons. Ils avaient devant eux le pic le plus élevé, dont la pente était si brusque qu'elle semblait perpendiculaire. Le côté de ce talus, c'est-à-dire la pente qui se trouve à nos pieds, a été appelé Beecher's Ride, dit le capitaine, parce qu'il y a environ 50 ans, un certain capitaine Beecher, sportsman célèbre, le franchit monté sur sa jument de race à la suite d'un pari. Fut-il tué ? Demanda le major. Non, mais sa jument le fut. Le major se mit à rire. Pauvre garçon. Alors, il a perdu un bon cheval s'il a gagné son pari. Personne ne l'a sauté depuis. Je ne l'ai jamais entendu dire. Sir Rupert Lessel avait écouté attentivement cette conversation. Je voudrais sauter cela, dit-il en montrant la descente. Le capitaine s'était éloigné et s'était jeté sur l'herbe courte et brunie. Je voudrais bien le faire, dit le baronnet, et je crois que mon poney s'en tirerait. Quelle idée, baronnet, répondit le major, vous n'êtes pas assez brave pour cela, ajouta-t-il en riant. Vous pouvez ne pas être aussi poltron que James Arnold, mais je ne crois pas que vous soyez assez brave pour descendre en Beecher's Ride au galop. Sur mon honneur, je ne le crois pas. Il y avait un entêtement obstiné dans le sang des Lessel, qui avait souvent porté les fils de cette maison à faire des choses extraordinaires que les hommes les plus braves n'eussent jamais tentées. Une détermination tenace d'accomplir tout ce qu'on les mettait au défi de faire, qualité qui a souvent des résultats plus grands que le courage bruyant et fanfaron. Ce report avait le caractère des Lessel, apathique et sans initiative, mais excessivement obstiné. Le major riait. Son visage tourné vers le soleil était provoquant. « Non, non, mon petit baronnet, vous n'êtes pas assez brave pour tenter cela, et vous êtes trop sensé pour ne pas savoir que cela est impossible. » Les joues pâles de l'enfant devinrent rouges de colère. « Ah, cela ne se peut pas » criait-il de sa voix tremblante et aiguë. « Ah, cela ne se peut pas, major !» Il tourna la tête de son poney, fit une fois le tour du sommet du mamelon, puis, cinglant vigoureusement l'animal de son fouet, il l'enleva par-dessus les trois garde-fous, puis sur la pente. Le major vit le rouge des joues du jeune homme se changer en une pâleur mortelle, dans le court espace de temps que le poney mit à franchir la descente. Le capitaine, rappelé à lui-même par le bruit des pas du cheval, se leva et se précipita au bord du talus juste à temps pour voir le poney galopant sur l'herbe glissante qui descendait à un ravin. « Il sautera, » dit le major, « sans une seule contusion. » « Démon, c'est là ton havre !» s'écria le capitaine. Le poney arriva au bas du talus. L'enfant portait tantôt en avant, tantôt en arrière de la selle, sans se laisser désarçonner. Mais dans l'impétuosité du dernier choc, l'animal perdit l'équilibre et tomba en reculant sur son cavalier. De l'endroit où les hommes étaient placés, le poney et l'enfant ne présentaient qu'une masse informe qui tourna sur elle-même pendant quelques moments, puis tout d'un coup demeura immobile. « Par ici !» cria le capitaine, franchissant en courant à la route en zigzag qui rendait la pente praticable pour les piétons. Et il arriva à l'endroit où l'enfant était tombé. Le major le suivit et fut le premier à tomber à genoux à côté du poney de l'enfant. Ce report était étendu sous l'animal. Le major Varnet défila bride qui s'était emmêlée et le poney se releva. Ce report Lessel était étendu sur le dos parfaitement immobile. Quelques gouttelettes de sang sur le front étaient les seules traces de blessure qu'il paraissait avoir reçues. « Dieu merci !» dit le capitaine. « Il a seulement eu peur en tombant. » Le major Granville ouvrit la petite jaquette de l'enfant et mit une main sur son cœur. Il pâlit pendant cette opération, et la lumière sembla se retirer et disparaître de ses favoris et de ses moustaches blondes. « Il est mort, » dit-il d'un ton grave, « d'une congestion au cerveau. « Démon !» s'écria le capitaine en saisissant le major à la gorge. « Voilà votre œuvre !» Le major, toujours très pâle, se dégagea de la puissante étreinte d'Arthur Walsingham et dit tranquillement « Arthur, soyez raisonnable et écoutez-moi. Je suis tout aussi innocent de ce qui vient d'arriver que vous-même. Quand tout à l'heure je vous ai fait la proposition d'une combinaison qui devait assurer notre fortune, je vous ai dit qu'on ne toucherait pas un cheveu de l'enfant. Je pensais ce que je disais, mais j'enrageais de votre folie et je m'amusais à taquiner l'enfant. Ce qui vient d'arriver s'est fait sans mon concours. C'est un de ces hasards étranges qui renversent tous les calculs. Ce qui est fait, et nous ne pouvons le défaire, mais, il baissa la voix jusqu'au chuchotement, nous pouvons en tirer parti. Voulez-vous me laisser faire comme je l'entends ? Oui, dit le capitaine Walsingham en couvrant de ses mains son visage frappé de terreur. J'avais juré de protéger cet enfant, et voilà comment j'ai tenu mon serment. Le major ôta son plaid de dessus ses épaules et l'étendit sur l'herbe foulée. Il souleva le corps inanimé de l'enfant, le déposa sur le châle et couvrit sa figure livide et calme avec son mouchoir. « Arthur, dit-il, restez ici. S'il venait quelqu'un de ce côté, ayez soin qu'on ne se doute pas de ce qui s'est passé. Je ne serai pas longtemps. » Il prit le poney par la bride et le conduisit à travers l'étroit ravin dans un champ à quelque distance de là, sans s'occuper de ses bottes vernies. Il fit passer l'animal au milieu de la chaux et de la vase jusqu'à un étang d'eau stagnante à 1 mille du théâtre de la catastrophe et environ à 6 milles de Littlewood Park. Il poussa l'animal dans l'étang en le cinglant vigoureusement avec sa cravache et en lançant la bride par-dessus sa tête. L'animal s'enfonça dans l'eau jusqu'au poitrail et remontant sur le bord fange de l'étang, il galopa furieusement à travers les terres labourées et s'enfonça dans un bois de pins rabougris. Le major le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il eût entièrement disparu, puis il regagna vivement l'endroit où il avait laissé le capitaine Walsingham et l'enfant. Il trouva le capitaine assis à côté de son beau-fils, immobile et enveloppé dans le plaid épais. « J'ai cru que vous ne reviendrez jamais, » dit-il quand le major fut près de lui. « Est-il passé quelqu'un par ici ? Personne. Bien. Maintenant, Arthur, retournez auprès de la mère de cet enfant et dites-lui qu'il s'est égaré. Rien de plus, car ne l'oubliez pas, le poney saura bien retrouver le chemin des écuries. » Il souleva le corps inanimé de l'enfant dans ses bras et fit quelques pas vers la route où la voiture attendait. « Arthur, dit-il, courez jusqu'à la voiture et dites qu'on fasse le tour pour venir me prendre par ici. » Le capitaine obéit et au bout de quelques minutes, on entendit les roues tourner doucement sur l'herbe. Mrs. Varney regarda par la portière. Elle était belle et radieuse dans son chapeau mauve tendre. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Ouvrez la portière, Salamons, » dit le major. « Vous êtes illégal de tourner le dos aux chevaux, Anna ?» ajouta-t-il pendant que le valet, au nez crochu, ouvrait la portière et baissait le marchepied. « Pourquoi ? » demanda-t-elle avec étonnement. Le major ne lui répondit pas, mais la prenant par la main, il la fit descendre de voiture et déposa le corps enveloppé sur la banquette. Une magnifique peau de léopard, dans laquelle avaient été enveloppés les pieds de Mrs. Varney, était au fond de la voiture. Il la prit et la jeta par-dessus le plaid. « Qu'a donc cet enfant ? » demanda Mrs. Varney. « Qu'est-il arrivé ? Est-il blessé ? » ?»« Oui, sérieusement blessé. Je l'emporte à Brighton pour avoir recours aux médecins les plus habiles. Montez, Ada, fermez la portière, Salamons. » Le major et sa femme prirent place sur la banquette de devant, tournant le dos aux chevaux. Le capitaine mit la main sur l'appui de la portière. « Qu'allez-vous faire de cet enfant ? » demanda-t-il. Pour la première fois depuis l'accident, le major sourit. « Vous le savez, ou vous le devinez bien. Au revoir, cher ami. » La voiture s'éloigna, laissant le capitaine debout et la regardant s'éloigner. Sa figure était d'une pâleur mortelle. « Claribel est seule, » fit-il. « Votre ancienne trahison qui a brisé toute mon existence il y a des années retombe maintenant sur vous. Que Dieu vous vienne en aide, pauvre femme, car moi, je ne le puis pas. »